un braquage. Nique tout leur des idées rata. Le liquide c'est tout ce qui nous rattache. Sois sûr que sans ça on marcherait pas ensemble, sois sûr qu'on se parlerait pas. Quelle bénédiction. Tout ce que j'ai fait pour en faire, je suis fait pour en faire. On m'appelle à midi pour un braco en fin d'après-midi. J'arrive pas cagoulé, j'arrive en claquette. Tout le monde les mains en l'air, je prends la recette. Sur le retour, on s'arrête en showcase. Ça coupe même pas le contact. Descendu de scène, serre la main du trompard. Merci pour tout, on s'attrape à l'occasion. J'ai les plans de la banque et l'adresse de la planque. J'ai le bon déguisement et le moteur allemand qui nous attend devant. Ouais. J'y pensais enfant, c'est maintenant le twist. Ça va faire dans l'œil du cyclone. Braqueur infiltré, équipe de Zikos. J'suis pas une icône, même quand je pose les pieds sur le bureau. Et que je leur demande pour le prochain CD, vous envoyez combien? J'demande ça pour mon bien. Chaque sortie, c'est le coup du siècle. Plusieurs millions, à peine quelques titres, disons une quinzaine. C'est pas ton bénéf de vol à la tire. On se sentirait presque en liberté. Je vais pas mentir, j'en tire de la fierté. Je braque ces braqueurs, je suis Jacques Mérénisé. Contre le salariat, je suis immunisé. L'union fait la force comme additionné. Viens me rejoindre en zone pavillonnaire. Dans le pire des cas, on sera qu'à m'isoler. Ils me prennent déjà pour un fou. Traquer la chance, gros braquer la banque. Traquer la chance, gros braquer la banque. Traquer la chance, gros braquer la banque. Tous les jours, traquer la chance, gros braquer la banque. J'ai le plan de la banque et l'adresse de la planque. J'ai le bon déguisement et le moteur allemand qui nous attend devant. J'ai le plan de la banque et l'adresse de la planque. J'ai le bon déguisement et le moteur allemand qui nous attend devant. J'crime en l'air, un collant sur la tête, les otages manquent d'air. Tommy gang, mon camembert, on voit du 45, je lève pas d'alter. Tous mes genoux se divertissent, Denver baisse la secrétaire. Y'aura pas de convoi funéraire si tu suis les directives. Remplisse putain de sac pendant que je regarde. Que faire son string dépasse quand tu te baisses et que t'attrapes les liens. Remplisse putain de sac, mon jean sans ma bite se dresser. J'entache le directeur de sauf sur les WC. Appuie le bouton rouge, trouve ça trop indécent. J'te connais avec le magasin sans faire le dessin. Fête Noël, j'entendrai pas descendre. Carburant sur le phénix, même si on est de ses cendres. J'vais mener l'enfer à terre pendant qu'il y a tout le monde à terre. J'connais des cambrioleurs qui mangent dans ton frigidaire. J'prends le vaisseau, t'as fait prendre la navette. Y'a des shows de la gâchette qu'on finit la bête. Sa mère un Oscar et sa mère un Grammy. Sa mère la SACEM et sa mère la Dami. Caisse remplie de beux d'Amsterdam. J'prends Madame Courage pour nous guébra. Ancien taulier sous Amsterdam. Beaucoup trop sauvage pour les guébras. Envoie une boîte de 30 qu'on la détaille. 6 balles dans mon globe pour les trouver. On fait le shit et la coque à la ferme. Tracker sous la calandre pour les trouver. Traquer la chance, go braquer la banque. Traquer la chance, go braquer la banque. Traquer la chance, go braquer la banque. Tous les jours, traquer la chance, go braquer la banque. J'ai les plans de la banque et l'adresse de la planque. J'ai le bon déguisement et le moteur allemand qui nous attend devant. J'ai les plans de la banque et l'adresse de la planque. J'ai le bon déguisement et le moteur allemand qui nous attend devant.